ses mains. Miss Marie, mets mon âme en émoi. Sur l'oreiller, oubliera ses chagrins. Miss Marie, un jour est partie. Elle est partie, elle est partie. La Miss Marie, la Miss Marie, me laissant pour explication. Explication qu'un conte vide ouvert à mon nom. C'est censé se sauver, préférer partir avec les miens. Miss Marie, c'est censé se sauver, me laissant seul. Là, entre les mains.